dans une course folle qui efface mes regrets. La musique enflamme ce qui me restait de toi, juste un souvenir et l'écho de ta voix. Mais la force de l'amour n'a pas pu s'oublier, et je t'aime toujours après toutes ces années. J'entends cette chanson qui transporte ma mémoire. Toi, tu es resté la même. Moi, j'ai beaucoup changé. J'ai fait face à mes problèmes pour te retrouver. Je me suis remis en question des milliers de fois, en me disant un jour tu me pardonneras. Oui, je sais, j'ai fait des erreurs, mais j'ai purgé ma peine. Je ne veux que ton bonheur, car tu sais que je t'aime. Toutes ces années enfermées à me demander ce que tu devenais, loin de moi mon amour. Je ne vais pas te harceler ni te supplier. Je veux juste une réponse. Est-ce que tu m'aimes toujours? M'a sûrement rendu fou. L'envie de te revoir et te serrer contre moi, ça m'a permis de tenir et d'avoir foi en moi. Tous les méfaits du passé, je veux les oublier. Toutes mes erreurs sont effacées. Moi, je veux t'aimer. Toutes ces années fermé à me demander ce que tu devenais, loin de moi mon amour. Je ne vais pas te harceler ni te que tu m'aimes toujours. Oh, tu ne me réponds pas et tu me tournes le dos. Devant moi tu t'en vas, oui, mais sans un mot.